Les digues du Mississippi, qu'elles aient été balayées par le fleuve ou dynamitées, faisaient partie des plus grands travaux entrepris par la nation américaine. Elles s'étendent sur 2500 km de long, de chaque côté du fleuve, jusqu'au golfe du Mexique. Il n'est pas rare qu'elles atteignent 10 mètres de haut sur 50 mètres d'épaisseur. Des milliers et des milliers d'ouvriers travaillent, année après année, à l'édification ou à l'entretien de ces digues. Un réseau de surveillance électrique relie tous les postes entre eux. Les digues sont contrôlées chaque semaine et elles coûtent des millions par an. Pendant plus de 10 ans, elles avaient parfaitement rassuré les riverains jusqu'à ce que les crues du printemps 1927 s'abattent sur elles. Le 16 avril, le télégraphe signala pour la première fois que le fleuve était sorti de son lit. Ce premier message n'avait rien d'inquiétant. Et Washington pensa qu'il ne s'agirait là que de perturbations mineures. Ce fut une erreur. 2 jours plus tard, 7 États étaient presque entièrement inondés. Le Missouri, l'Arkansas, le Kentucky, le Tennessee, la Louisiane et le Texas se retrouvèrent sous l'eau. Par endroits, elle atteignait 7 à 8 mètres. Il fallut évacuer des douzaines de villes, des centaines de localités et malheur aux retardataires ou aux indécis. Il y a à ce propos l'histoire de 3 frères, petits farmeurs de la région de Natchez. Ils croyaient avoir le temps de sauver leurs bêtes. Alors que les autres abandonnaient tout pour sauver leur peau, ils s'affairaient encore dans l'étable, et avant d'avoir eu le temps de dire « ouf », une puissante langue d'eau leur barra la route. Ils étaient coupés de tout et le restèrent. Des 3, un seul fut sauvé, et grâce à lui, nous avons le lugubre témoignage des heures passées au faîte du toit, à regarder avec un espoir déclinant les eaux monter de plus en plus. Voici un bout du récit du survivant. L'eau n'avait laissé qu'un mince espace près du faîte. L'une des cheminées avait déjà été arrachée. On ne voyait plus rien des lotissements détruits. Seules des voix du clocher qui se dressait indemne dans le ciel nous apportait l'écho d'autres survivants. On entendait l'eau gronder au lointain, le bruit des maisons qui s'effondraient avait cessé. C'était comme un naufrage au milieu de l'océan, à des milliers de miles de la terre ferme. « Nous dérivons », murmura John, qui s'accrochait convulsivement aux tuiles. Et l'on avait vraiment le sentiment que le toit s'était transformé en radeau dérivant avec le courant. Mais un regard sur le clocher qui se tenait là, immobile, nous apprit que c'était une illusion. Nous étions toujours au même endroit, au milieu des eaux mugissantes. Mais la lutte commençait. Le fleuve, au début, avait suivi la route, mais les ruines, désormais, lui barraient le passage et le refoulaient. Ce fut l'assaut. Le fleuve happant le moindre tronc, la moindre poutre à sa portée, la précipitait contre la maison tel un projectile. Jamais il ne s'avouait vaincu. Il s'en emparait à nouveau et recommençait. Les murs tremblaient sous ses coups incessants et réguliers. L'instant d'après, nous étions ainsi bombardés par 10 ou 12 poutres. Les flots déchaînés rugissaient et l'écume nous éclaboussait. Une sourde plainte montait de la maison sous nos pieds. Et nous l'entendions craquer dans ses gonds. Tantôt, quand avec une formidable violence, une poutre venait une fois de plus s'y cogner, nous pensions que tout était fini, que les murs allaient céder et nous livrer à la fureur du fleuve. Tantôt, en voyant dériver vers nous une botte de foin ou un baril vide, nous agitions amicalement nos mouchoirs jusqu'à ce que, comprenant notre erreur, nous retombions dans notre angoisse silencieuse. « Ah, regardez !» cria John brusquement. « Un grand bateau !» Le bras tendu, il désignait un vague point au lointain. Je ne voyais rien, Bill non plus. Mais il n'en démordait pas. Et en effet, il s'agissait bien d'un bateau. Le battement des rames devint de plus en plus proche et nous avons fini par l'apercevoir. Il glissait lentement sur l'eau, semblant tracer des cercles autour de nous, mais sans réellement nous approcher. Je me rappelle simplement que nous étions devenus comme fous. Les bras relevés, nous avons crié à gorge déployée. Alors que le bateau passait, silencieux et noir. Nous l'avons traité de lâche. Était-ce vraiment un bateau? Je ne le sais toujours pas. Et en partant, il a emporté notre dernier espoir. Désormais, nous nous attendions à ce que la maison s'effondre et nous engloutisse. Elle devait déjà être complètement minée, ne tenant, semble-t-il, que grâce à un seul mur particulièrement résistant. Lorsqu'il s'effondrerait, tout céderait avec lui. Ce dont j'avais le plus peur, c'est que le toit ne puisse plus supporter notre poids. La maison tiendrait peut-être encore une nuit, mais le toit, sous l'impact répété des poutres, commençait à lâcher. Nous nous étions réfugiés sur le côté gauche du toit, au chevron à peu près intact, mais ils se mirent à vaciller. Eux aussi, ils flancheraient si nous restions tous les trois coincés au même endroit. D'un geste mécanique, mon frère Bill avait remis sa pipe en bouche. Il grommelait en tortillant sa moustache et en fronçant les sourcils. Voyant croître un danger contre lequel tout son courage ne servait à rien, il commençait à s'impatienter. D'un geste de mépris coléreux, il cracha plusieurs fois dans l'eau. Puis, sentant les poutres lâcher de plus en plus, il se décida à descendre du faîte. Je lui criais « Bill, Bill !» devinant avec terreur ce qu'il voulait faire. Il se retourna pour me dire calmement « Adieu, Louis. Tu vois, c'est trop long pour moi. Je vais vous faire de la place. » Puis il jeta sa pipe dans l'eau avant de sauter lui-même. « Adieu, » nous dit-il encore. « J'en ai assez. » Il ne reparut jamais. Il était mauvais nageur et sans doute ne fit-il rien pour se sauver. Il ne voulait pas survivre à notre ruine et à la mort des êtres chers. Voilà le récit du troisième frère, le seul de la famille à avoir été sauvé par l'un des bateaux partis à la recherche des survivants. On avait mobilisé plus de 50 000 bateaux, canots à moteur, steamers. Le gouvernement alla jusqu'à réquisitionner des yachts pour participer aux travaux de sauvetage. Des escadrilles d'avions prenaient l'air jour et nuit, à l'instar de ceux qui, l'année précédente, guidés par Charles Lindbergh, avaient apporté vivres et médicaments aux Chinois affamés, coupés de tout moyen de communication dans la vallée du Yangtze-Kiang. Et au bord du Mississippi, on vit aussi camper des centaines de milliers de réfugiés, sans abri, sans vêtements chauds, livrés à la faim, à la pluie et au terrible cyclone qui, à cette époque de l'année, ravage les territoires inondés. Voilà pour les éléments déchaînés du Mississippi. Mais nous retournerons une autre fois sur les rives qui, même au temps où le fleuve restait paisiblement dans son lit, n'ont jamais été paisibles. J'ai depuis longtemps l'intention de vous parler de la société secrète la plus importante et la plus dangereuse d'Amérique, à côté de laquelle tous les contrebandiers d'alcool et toutes les associations de malfaiteurs de Chicago ne sont que des enfants de cœur, le Ku Klux Klan. Ce sera l'occasion de nous retrouver sur les rives du Mississippi, mais face aux éléments déchaînés de la cruauté et de la violence humaine, et les digues que la loi édifia contre eux ne résistèrent pas mieux que les vrais de pierre et de terre. Je vous donne rendez-vous pour une autre fois, donc, avec le Ku Klux Klan, le juge Lynch et tous les autres personnages inquiétants qui peuplèrent la jungle humaine du Mississippi et la peuplent encore aujourd'hui.